There's things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you. Nous voilà de retour. De retour pour un deuxième épisode de Disquaire. Je sais pas si on entend bien là. Ouais, je m'entends pas, Loïc. J'ai un petit doute. Je fais une petite pause directe musicale. Ouais, en fait, on nous entend. Là je m'en rends compte. Tu nous entends? Tu m'entends, toi? Oui, mais vous entendez là-dedans, mais nous, on vous entend pas. Ouais, c'est normal ça. On va faire un petit test. On est en direct là. Je vous annonce tout de suite, c'est compliqué. On va voir s'il y a du Larsen quand on met du son. C'est bon là? Petite dédicace à Larsen et Lourcen avec qui j'étais au collège. Bah, j'ai monté. T'as monté sur le moniteur ? Ouais, j'ai monté sur le moniteur, ouais. Alors, là, on se reconcentre. Juste petite aparté, on est à 8h19 de direct sur Radio Crochet. 30 auditeurs, on est en direct du Diable au Corps. L'ambiance soirée a pris le relais alors qu'il n'est que 17h22. Tout le monde discute. On a commencé, il faisait nuit. Il fait déjà de nouveau nuit. Nous avons passé la journée. Là, on nous entend, c'est ça ? Alors, on me fait signe que au sein même du Diable au Corps, on entend ce qu'on dit. C'est ça. C'est-à-dire que là, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Alors, nous, Loïc et moi, salut Loïc. Bonjour Nico. Comment tu vas ? Ça va très bien. Eh bien, tant mieux. Eh bien, Loïc et moi, comme on l'a déjà fait une fois pour Radio Crochet, on va faire une petite émission qui s'appelle Disquaire, c'est-à-dire qu'on met du son sur YouTube, tout simplement, et on en discute. Et voilà. Exactement. Et on parle pendant la musique, quitte à ce qu'on gâche la musique. Ça, c'est pas notre problème. Du coup, on commence avec... c'est toi qui as fait le premier choix, là. C'est Ego For You, c'est ça ? Exactement. Allez, Ego. On la met, puis après, on en discute. Nos micros sont toujours allumés. Je peux pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ego parce que Greg Dabo. Que quoi ? Ego parce que Greg Dabo. Ah, c'est Greg Dabo qui t'a fait découvrir. C'est lui qui m'a fait découvrir ça il y a 10 ans. Ouais, 10 ans maintenant. C'était le premier son disco qu'il m'a fait découvrir et je m'attendais pas à ce que lui me fasse écouter de la disco. Baisser l'audio. Comme ça ? 1, 2, 1, 2. En fait, je suis au max. Allô. Okay, on est désolé, on est obligé de. Il y a quelques petits réglages à faire. Réglages à faire en même temps, c'est super compliqué en fait. Alors vas-y, tu nous disais Greg Dabo. Donc je disais Ego par qui ? Ego par Greg Dabo. Donc Greg Dabo, c'est mon partenaire de musique. Qui m'a fait découvrir ça il y a 10 ans. Et j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il me propose des sons disco. Et puis donc voilà, Ego, je connais très peu de choses sur le musicien en question. Je sais juste qu'il a sorti un petit EP de 5 ou 6 titres qui date de 2008-2007, quelque chose comme ça. Et qui est une petite pépite. Donc dans la même veine, c'est la petite disco tranquille. Et de ce que je vois, tu vas enchaîner. Ouais, non, on l'écoute jusqu'au bout là, je remets un peu de son et puis voilà. Telephone to call you. I thought I should be a star. de musique que tu peux me faire découvrir, j'ai l'impression que ça, je suis pas surpris, tu vois, je l'associe directement à toi, je suis très content, je viens de le chasamer comme tu as vu. Merci. Je suis ravi de cette première découverte, je tiens à te dire, toujours aussi, aussi pertinent dans tes choix musicaux. Merci, bah, je le dois aussi à mon entourage du coup. Donc, voilà. Greg Dago, pensez à toi. Fini, mais je l'arrête. Je voulais juste dire, il y a Gustavo là qui est en train de jouer à cache-cache avec nous. Donc, si vous entendez du bruit d'enfant, c'est plus le même que tout à l'heure, c'est un nouveau. Gustavo, tu veux dire quelque chose en direct? Il y a trop de personnes qui t'écoutent. Non? Ok. On enchaîne avec Brooklyn Express 69. Qui est un peu long à démarrer d'ailleurs. Brooklyn Express. Ça, avant que ça commence, c'est toi qui m'as fait découvrir pour le spécial dédicace. Ah. En pleine soirée. Ouais, sorti de nulle part. Exactement. C'est très très bon. D'ailleurs, j'ai écouté le reste. Ouais. Qui est très très bon aussi. Il n'y a pas beaucoup de chansons. Il y en a d'autres. C'est vraiment cool. J'ai plus les titres en tête, mais je vous invite à creuser. Exactement. Ça commence. Ça, je crois que tu m'as dit ça à la soirée. Exactement. Finalement, Dabo, on va finir par l'inviter à notre. Exactement, il va venir. C'est vrai? Ah ouais, il va venir. Soit fin décembre, soit ce sera en janvier, je pense. Ok, bah, faut absolument qu'on enregistre un petit son, une petite émission quand il est là. Je vais la couper par contre, parce que le petit problème par rapport à aujourd'hui, c'est qu'elle est vraiment longue, elle dure 9 minutes, elle est très bien à caler en soirée. Je vais enchaîner avec ta deuxième proposition, je la lance. Sébastien Tellier, c'est Shivers as a Female, tu veux en parler ? Ouais, Shivers as a Female, ça fait partie de l'original soundtrack de Steak. Donc Steak de Quentin Dupieux, Mister Oiseau. Moi, c'est le premier son de Mister Oiseau que j'ai découvert, bizarrement. Il y a plein de gens qui connaissent Flatbeat Eric de la pub Lévis, que j'ai découvert beaucoup plus tard. Et pour moi, je trouve que c'est juste un son de malade. Donc il y a Sébastien Tellier dessus, à la prod il y a aussi Sébastien, donc pas Sébastien Tellier, Sébastien, qu'on reconnaît du coup... Sébastien genre arabe ? Non, Sébastien de Dead Banger. Ah mais il y a une chanson qui s'appelle Arabesque de Sébastien, non ? Probablement, je sais pas. Ah, c'est de la mettre après. Mais c'est probable que ce soit le même, ouais. Bon du coup profitez-en quoi, c'est le reste de Steak, et puis si vous pouvez revoir, voir Steak, ça vaut le coup. Du film, je crois. Quelques petits dialogues. Ouais. J'ai pas l'impression. J'enchaîne avec mon son. Oui. Absolument rien à voir. C'est Booba. Je suis retombé. J'ai réécouté l'album de Booba, là, le trône, il y a deux jours. Ok. Et en fait, cette chanson, je l'aime bien. Voilà. Ok. J'annonce. Toi, t'es pas fan de Booba, toi ? Si, je suis fan de Booba, mais je suis fan de la période Booba avant 2008. Non, même pas Lunatic. Lunatic, un tout petit peu, mais c'était la période collège. Mais dans sa période récente, je préfère tout ce qu'il a fait avant 2009, je crois. Donc le dernier, ça doit être 09. 09, je l'ai vraiment adoré. Et ça fait partie de ces artistes, comme on disait la dernière fois sur Christina de Queen, on en a déjà parlé, mais c'est partie de ces artistes qu'on aime pas et qu'on aime bien en même temps. Voilà, c'est les artistes qui te rendent schizophrène. Voilà, bon allez, on écoute quand même. On profite de Trône, allez. Autour de toi l'amour s'efface, mais tu n'y penses pas, faut que les choses se passent. C'est vrai, t'as la vie dure, la chance elle te crache à la figure. Mais à quoi bon se plaindre, c'est pas comme ça qu'on paye ses factures. Ce client arrête par des gens, tu t'es dit qu'il mérite ses factures. Et y'a cette fille, tu la regardes de loin, en souriant tu dis que c'est un problème de moi. Tu penses à elle mais t'as pas le temps de la serrer, et y'en est l'ange incarcéré. Tu fais juste ce que t'as à faire, des deux DUC n'est pas à la mer. Tu fais all-in à chaque paire, tu ne peux que gagner quand t'as rien à perdre. Magnifique, magnifique, magnifique. Moula, vous êtes si belle, chaque soir je rêve de vous. J'ai craché sur ton sol, je n'y mettrai jamais le genou. Vivement que le gong sonne, on verra qui reste debout. Magnifique, magnifique, magnifique. Du coup, petite question, Nico, Trône, tu l'as écouté en entier ? Ouais, carrément. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et donc, du coup, tout l'album est validé de ta part ou... Je n'ai pas en tête tout l'album, mais il y a des chansons qui sortent du lot, quoi. Celle-là, notamment, qui sont vraiment bien. Les trois premières sont vraiment bien. Celle-là est vraiment bien. Je sais plus... c'est comme toujours avec Booba, il y a des chansons pas ouf, quoi. Ouais. L'album en entier, il est consistant. Ouais, il est okay. Sorti il y a un an d'ailleurs, je me rappelle, c'était 1er décembre. Ok. Voilà, je me rappelle. Les gars se rappellent des dates de sortie. J'étais à la Fnac ce jour. Y'a quoi? Et alors? Allez, on continue. J'ai craché sur ton sol, je ne mettrai jamais le genou. Vivement que le bon que sonne, on verra qui reste de moi. Magnifique, magnifique, magnifique. Tu veux présenter la prochaine chanson qui arrive là. La prochaine chanson, donc c'est de Midsizer, ça s'appelle Coco Love. Ouais. C'est très suave. C'est une petite dédicace à. C'est très spécial. C'est une petite dédicace à un membre. À un membre du. De la congération des fourneaux. Ah. Ou une membre. Qui déteste cette chanson. Mes excuses à toi et à la personne visée. Hein. Non mais. Je suis dans le game. Parce que du coup, pour faire simple, j'ai l'impression que cette chanson elle est passée inaperçue pendant toute l'année 2017 d'ailleurs. J'ai le souvenir de trois personnes qui m'en ont parlé. Deux personnes, pardon. Greg Dabo, bien sûr. Et en deux, Philou, notre ami Philou. Voilà. Je ne suis sûr de rien, mais je veux quand même y arriver. Le début de l'histoire, c'est la ligne d'arrivée. Il nous a suffi d'un regard pour nous voir parier. On en profite parce qu'une erreur est très vite arrivée. Ses lèvres sont sucrées, son parfum est fruité. Ses lèvres sont sucrées, son parfum est fruité. J'suis dans son corps, j'suis dans love, j'suis dans love, j'suis dans love, j'suis dans son corps. On va continuer sur la lancée dédicace plutôt que style. Et du coup, je mets cette chanson parce que je sais, je crois savoir que ma maman écoute son anniversaire. Du coup, je mets Dire Straits, Sultans of Swing. I love the river, you're stopping. band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass. Alors, on tient à rassurer du coup nos actionnaires. Nous sommes toujours en tête d'audience. Il y a une chute d'audience là, il y a pas longtemps. Je pense que c'est tous les petits problèmes techniques. Ouais, mais on va se rattraper, vous inquiétez pas. Venir. D'accord. Loïc, cette chanson t'inspire quelque chose? Pas du tout. Si, si, elle m'inspire. Enfin, mais moi, en fait, je pense qu'à des moments, la musique, j'ai pas besoin forcément de l'exprimer par des mots, mais si, si, j'aime beaucoup. Mais ça fait partie des sons, en fait, que j'ai l'habitude d'entendre un peu partout, mais je pourrais pas su te dire que c'est Dire Straits, en fait, tu vois. En tout cas, je voulais te dire absolument rien à voir, mais tu es très beau dans ton t-shirt, Loïc. Ah ouais? Je suis content que tu l'aimes. Autant. Merci. Et vous voyez pas parce que c'est de la radio, mais on est tous très beaux ici. Ouais, aussi, exactement. Il y a quelque chose de particulier. Ouais. N'hésitez pas à passer nous voir hein, au Diablo Corps, on rappelle, 100 rue Saint-Hilaire. Mince, ils vont découvrir le poteau rose. Ça continue jusqu'à demain matin, 9h. Sultans, we are the sultans of swing. Personne dit que c'est le meilleur solo guitare de l'histoire du rock. Attention, c'est parti. Alors du coup, Nico, c'est toi qui l'as décidé ou c'est quelque chose qui fait consensus? Ouais, j'ai entendu ça. D'accord, ok. Ça veut dire solo d'histoire du rock. Moi, je pense pas que ce soit ça. Ah ok, d'accord, ok. Bon, je suis pas puriste de rock, hein, mais je trouve que le ouais c'est très bon, mais je sais pas si on peut dire que c'était forcément le meilleur de l'histoire. En tout cas, pendant ce temps-là, nous avons préparé la suite avec un choix de Monsieur Loïc. Voilà. Que je ne connais pas du tout, tu vas nous présenter ça. Voilà, bah donc mon choix c'est Jens Lekman. C'est un chanteur-musicien d'origine suédoise. Ah ouais, ouais. Fait dans l'ethnique du Nord. Exactement, mais en fait bizarrement tu vois, c'est, j'adore leur chanteur en fait, sérieusement. Et j'aime beaucoup en fait le contraste entre ce qu'on s'imagine de ces pays nordiques, des gens qui sont pas très... très chaleureux ou très, comment dire... On recommence avec notre racisme. On va pas stéler russe, il recommence. Non, et là non, et clairement je sais pas, mais moi j'adore en fait les... Enfin, j'ai jamais été, mais j'aime bien la Suède, et celui qui a participé à, comment dire, à mon amour pour la Suède, c'est Jens Lekman. Ok, on écoute un peu ? Ouais. Your reflection I did not see. It was the hottest day in August. We were heading for the sea. For a second my mind started drifting. You put your arms around. Kitchen sink. What's this I've time to think? I see the tip of my index finger. My mind is slowly creating a link. From your mouth speaks your lovely voice. Et pendant cette belle chanson, je voulais faire un instant pub. Il y a un atelier, un workshop, comme on dit maintenant, de l'artiste Barbara Henry, qui est une artiste qu'on aime beaucoup ici au Diablo Corps. Et ça se passe mercredi là, 5 décembre, de 16h30 à 18h. Le projet est simple, customiser des cartes postales ordinaires en cartes postales extraordinaires. C'est 5€ et ça se passe chez nos amis de la galerie Trampoline au 47 rue Saint-Vivien. On les embrasse et on embrasse Barbara aussi. N'hésitez pas aussi à aller sur son site internet barbarahenry.fr. Sur Jens Lekman, je trouve que pour un Suédois, il a une diction en anglais qui est impec. Je crois que c'était le premier chanteur de folk dont je comprenais totalement les paroles sans avoir à sortir Google. Et donc, rien que pour ça, j'aime beaucoup Jens Lekman. Allez. Merci Loïc pour ces petites anecdotes. On a dirty hospital couch. My hand is wrapped in toilet paper. And my body's wrapped in debris. You're sitting next to me reading a paper. I put your arm around me. En cours de route et j'enchaîne directement avec Jonathan Brie, You're So Cool. Cette chanson elle fait partie de la playlist déjà de la web radio Crochet, mais je voulais la mettre maintenant parce que ta chanson m'a fait penser à ça et je te la laisse la découvrir. Elle est un peu spéciale. Bah, pour l'instant, le clip est spécial. Ouais. Je te laisse observer tout ça. Ok. With affirmations as your wall art, you were driven. La dernière fois, ouais, sur YouTube, de chanson en chanson, et le clip m'avait interpellé, du coup j'écoutais, je trouvais ça assez cool, les moments de là du refrain là, avec les cordes et ouais, tout, les cordes, ouais, c'est assez cool. T'en penses quoi? Je valide, enfin je suis acquis, pas de soucis. Je vais comme il nous reste pas beaucoup de temps là et que on a mis du temps, on a galéré au début, je vais mettre directement ta chanson à toi, c'est R, Napalm Love. Ouais, le son va être je vais faire un petit transfert dessus. Okay. Ouais. Tu vas faire un fade in, un fade out. Je sais pas, ouais, je vais essayer. Sur ce son ou... Si, à part que ça parle d'amour et que... Encore l'amour. Et que devine qui est à la voix. Je sais pas. Elle est française. J'ai pas écouté. Elle est française. Vas-y, dis-nous. Charlotte Gainsbourg. Ah ouais. Ah bah oui. Charlotte Gainsbourg, bien sûr. Ah ouais. Et je pense que sur R5, sur l'album, sur Pocket Symphony, je crois que c'est elle qui fait presque toutes les voix. Peut-être que je me gourre, hein, mais oui, je crois que c'est elle. Et, ben voilà, c'est beau, c'est émouvant, et puis c'est français. Moi j'aime bien R, Moon Safari, pour m'endormir, j'avoue, c'est mon album préféré quand j'arrive pas à dormir. Je la coupe direct, je mets une chanson que Angèle a demandé. Only Love Can Break Your Heart, de Saint-Etienne. tu peux en parler. Oui, c'est une chanson que m'a fait découvrir mon ami Willy. Et on l'a écoutée en boucle pendant des heures et des heures, ce qui a rendu complètement fou Albin, qui nous écoute peut-être. Donc je lui remets une petite fois pour qu'il profite encore de ce bon moment. Allez, salut. Et ça parle encore une fois d'amour. Ah, décidément, que d'amour ce dimanche. Très très bon choix d'Angel. Je connaissais pas du tout le groupe. J'ai l'impression que mon mic. Ah oui. Je baisse un petit peu. On va. Voilà, on abrège un peu parce qu'on essaie de garder le timing. Tandis qu'on s'ouvre les premières bières ici au développeur après une grosse journée de labeur, on passe à l'apéro. Ouais, exactement, c'est l'heure de la bière, plus rien ne tient. Il est 17h58, 8h56. De direct, vous êtes 32 auditeurs fidèles. On se demande d'ailleurs si c'est les mêmes depuis ce matin ou si ça évolue. Ou si ce sont des robots en Chine. Alors, j'espère pas quand même. On finit alors une dernière chanson. Cette fois-ci, c'est ni moi, ni Angèle, ni Loïc. C'est notre ami Alex qui a choisi. C'est ça ou c'est Margot? Non, c'est Alex. C'est Alex. Okay. C'est Alex et Margot. Allez, on sait. Je le dis mal, je crois, c'est Vulfpeck. Ouais. Dean Town. C'est un morceau que j'adore écouter avec ma compagne ici présente parce que on écoute ça quand on cuisine en fait généralement et c'est un peu la grosse fiesta à ce moment-là. On adore cuisiner et du coup après ce morceau je pense qu'on va rentrer pour cuisiner parce qu'on adore ça en fait. T'as fait une boucle avec à midi, tu sais qu'on a fait une émission sur la cuisine justement et c'était le moment de nous dire, fallait nous appeler pour nous dire ce que vous aimez. Exactement. Mais vas-y, qu'est-ce que vous avez cuisiné ce soir pour la continuité? On va certainement se faire une petite pizza vegan, j'espère, on va faire ça. Petite pizza vegan des familles. Exactement. En tout cas, ce son est très très bon. Ouais, je vois que ça commence à danser ici, c'est cool. On va remettre fort alors. We'll be right back. Et voilà, ça va toucher à sa fin là, notre petite émission. On avait appelé sur internet DJ Goûter, mais en vrai ça s'appelle Disquaire maintenant. Disquaire ou Disconner. Ouais, Disconner à l'écrit plutôt. À l'écrit, ouais. J'ai du mal à dire. À l'oral, Disquaire. Voilà. Exactement. Merci Loïc. C'était pas la meilleure émission, je pense que la dernière fois c'était mieux et je pense que ce sera mieux la prochaine fois parce que là, à niveau technique, on a un peu merdé au début. Ouais, mais bon, je pense que les gens se rendent bien compte qu'on n'est pas des robots. Donc, Et encore ces histoires de robots. Ouais. Ils sont partout. Ça suffit. En tout cas, merci Alex, Margot et Angèle de nous avoir aidés à mettre du son. Exactement, d'avoir contribué. Merci à Gustavo pour ces moments de jeu, de cache-cache. On laisse la place à la... Je sais même pas combien... un énième temps de ce marathon de Web Radio Crochet About Black Metal, donc c'est Antonin notamment qui va nous parler de Black Metal. Non, c'est pas ça. Hein, ok, j'ai peut-être dit une connerie, c'est pas grave. En tout cas, nous on vous remercie, on se retrouve Loïc d'ici peut-être 15 jours, peut-être en direct, on va essayer, non? Ouais, je suis chaud. Ok, d'ici là on vous met une petite chanson, on revient un peu sur l'actualité. J'ai réfléchi là depuis 9h, une chanson qui pouvait parler de l'actualité, malheureusement elle est nulle, mais c'est pas grave. SCH, Champs-Élysées. Hey, les petits sont mûrs, la vie c'est dur, suffit pas de le dire. Assis sur un mur, dans l'avenir, bloqué dans l'obscur, heureux dans la mire. Je suis pâle, bénévole, à l'instar des autres, je suis sur le dos. T'enquête, je l'offre, je suis en guerre, j'appuie, pay, bitch, crame. Chacune son goût, depuis dans le même lit, le M on a les mêmes goûts. Genre de route, un bon siège cuir pack, un fer couleur nacré, crée la oui, la oui. La main sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué, pas loué, pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Pas loué, pas loué. Fifi sur les champs, pas loué. Pas loué, pas loué, pas loué. À part sur les champs, pas loué. Pas loué, pas loué. À part sur les champs, je l'ai pas loué. Je suis plus sur tes côtes, pas méchant. Je suis sans tous mes potes, y'a pas de méthode, mensonge partout, ouais. J'suis sur écoute, c'est les rares, followers, on est en vie, rassurez-vous. Bonne drogue, brise homme, pas stoppé par l'épuisement. On a de l'argent et mes potes sont plus stoppés par leur pigment. Hein. Fuck le monde des mondes, on vient de loin, si loin. Aujourd'hui on rôde en gamme sur les champs, j'l'ai pas loué. Qu'un doigt pour mes haters, jalouse elle me dit wesh. Ça appelle après 9h, j'attends quand même depuis hier. Tu sais j'ai mes envies moi aussi. Tu penses arriver pour quelle heure? J'ai sorti la ruine du frais. Emmène-moi tout en haut de la tour Eiffel. J'ai pas le temps pour ces conneries. Fais juste ton job, j'te paye après. Comme dans